Je vous en dis un livre. Parmi les quatre méditations protectrices qu'a enseigné le Vénérable, qu'a évoqué le Vénérable, combien de méditations protectrices ont déjà été enseignées, évoquées? Donc il en reste deux. Il va demander au nouveau yogi justement la signification, à Henri notamment. Henri, avez-vous entendu parler des quatre méditations protectrices? Ça vous dit quelque chose? Oui. Metta. Et la deuxième? Bouddha. Et la quatrième? Sur le corps, sur l'aspect repoussant du corps. Sur l'aspect répugnant du corps, repoussant du corps. Et la quatrième? Sur la mort. Sur la mort. Vous avez déjà donc quelques compréhensions par rapport à Buddha Nusati, la contemplation sur les vertus du Bouddha, et aussi par rapport à Metta Bhavana, donc la radiation d'amour bienveillant, que ce soit les anciens yogis ou les nouveaux yogis aussi. Qu'est-ce que Asubha? Qu'est-ce que la contemplation sur l'aspect repoussant du corps? En quoi cela consiste-t-il? Est-ce que vous avez une idée? C'est exact. En effet, donc Asubha Bhavana consiste à contempler le corps sous son aspect impur ou repoussant. Donc il s'agit de contempler le corps et de voir un aspect, son aspect qui n'est pas agréable, son aspect repoussant, impur, de sorte à ne pas s'y attacher. Sayado demande, combien de parties du corps peut-on ainsi distinguer? On peut distinguer, on peut décomposer le corps en 32 parties, ou en sous-groupes de 5, et le premier sous-groupe de 5, eh bien peut-être est composé des cheveux, des poils, des ongles, des dents et de la peau. Donc ainsi, on peut ainsi donc diviser le corps en 32 parties et faire des sous-groupes de 5. Donc le premier, le Vénérable répète, est constitué des cheveux, kesa, des poils, loma, les ongles, nakha, les dents, danta, et la peau, tasso. Ces parties du corps ne sont pas agréables, sont plutôt repoussantes. Il s'agit de contempler ces parties du corps et d'y voir leur aspect non plaisant, non agréable, impur et repoussant. Est-ce que vous comprenez et est-ce que vous êtes d'accord? En effet, c'est une pratique que les femmes en général n'aiment pas. En effet, comment pourrait-on apprécier cette pratique puisque, en général, on aime bien la beauté, on aime l'apparence, une belle apparence, et c'est pour ça qu'on prend soin de nos cheveux, qu'on va chez le coiffeur et qu'on dépense tant d'argent pour se faire des frisettes comme ça. Par exemple, si on prend par exemple Henri, donc il y a en effet 32 parties dans votre corps, si on les dissèque, mais si on prend par exemple juste vos cheveux, est-ce que les cheveux c'est Henri? Ou si on prend juste vos ongles à part par exemple, ou vos dents, est-ce que ça c'est Henri? Donc ainsi, si on prenait chaque partie du corps, l'une après l'autre, et donc on les disséquait et qu'on se demandait, est-ce que telle partie est Henri ou une autre partie est Henri? Donc en effet, Henri est composé de 32 parties, mais si on les dissèque donc une par une et qu'on les prend à part, ces 32 parties qui dans leur ensemble composent Henri. Et donc, si on prend donc ces 32 parties dans leur ensemble, dans leur globalité, c'est Henri. Et donc, il y a un aspect plaisant, charmant qui se dégage de cette personnalité. Et c'est pourquoi il devient le mari de Damadina, de Marie-Cécile. Et de la même façon, eh bien, Damadina est aussi composée de 32 parties qui, vues dans leur ensemble, sont charmantes et qui font qu'Henri, en effet, voit Damadina, Marie-Cécile de cette façon-là. Et en effet, maintenant, c'est trop tard pour dire qu'on n'en veut plus ou qu'on n'en veut pas. Donc, les cheveux, les poils, les ongles, etc. Donc, ces 32 parties du corps, nous apparaissent plaisantes, agréables, charmantes, parce qu'elles sont à leur place. Si par contre, et donc, quand on les voit donc à leur place appropriée, eh bien, on a une perception de ces parties. On a une perception donc agréable. Par contre, si on se mettait à changer de place les cheveux ou les dents, eh bien, ces parties-là perdraient leur aspect agréable et charmant. Mmh. N'est-ce pas? On trouve ces cheveux plutôt beaux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas leurs cheveux ou qui ne les trouvent pas beaux? Oui, donc en général, on aime bien ses cheveux, on les trouve plutôt bien, plutôt beaux. Mais imaginez que le matin, vous vous réveillez et que vous les trouviez dans votre bol de lait. En effet, c'est parce que ces cheveux sont les nôtres, on les considère comme notre propriété, nos cheveux, et donc c'est pour ça qu'on aime ses cheveux. Donc de la même façon, on aime bien ses ongles, on aime bien ses ongles et ses dents. Et par exemple, pour les ongles, eh bien, il faut les entretenir, il faut les couper souvent. Mais combien de personnes, après avoir coupé leurs ongles, les gardent? C'est pareil, en général, on aime bien ses dents aussi. Ah, quelles belles dents! Mais par contre, une fois qu'elles sont cassées, qu'elles ont été arrachées, combien de personnes les conservent aussi? C'est mort après. Oui, c'est mort. Mais justement, la pratique d'Asuba consiste à justement voir cet aspect mort, voir cet aspect repoussant, alors que ce n'est pas encore arraché, que c'est encore en nous. En effet, donc il y a ces 32 parties qui constituent un corps, et dans leur ensemble, quand on les perçoit dans leur ensemble, eh bien on les perçoit tels que ceci est un homme, ceci est une femme, c'est moi, c'est lui, etc. Un autre exemple que l'on peut prendre, c'est celui d'une maison. Une maison est composée de briques, de ciment, de charpentes, de divers matériaux. Donc ces matériaux pris dans leur ensemble constituent la maison. Et donc, on peut constituer une maison. Par contre, si on prenait chaque matériau l'un après l'autre, une brique ou du ciment ou du bois, eh bien, ces matériaux, l'un après l'autre, perd son aspect agréable. On n'a pas d'attachement par rapport à ces matériaux. Donc ainsi, donc les cheveux, les poils, les ongles, les dents, la peau ne sont pas des choses auxquelles vraiment on peut vraiment s'attacher, ne sont pas des choses agréables et charmantes. De la même façon, toutes les odeurs ne sont non plus pas agréables, déplaisantes. Ou tout ce qui est donc les cheveux, les poils, les ongles, les dents et la peau, c'est tout ce qui est au niveau de l'apparence. Ceci est repoussant, impur. De la même façon, tout ce qui est odeur est également repoussant, impur. Donc tout ce qui est apparence n'est pas agréable. Tout ce qui est au niveau de tout ce qui est odorant n'est pas agréable. Tout ce qui est au niveau du goût n'est pas agréable. Tout ce qui est également touché n'est pas agréable. Donc si on prend juste par exemple un élément de l'apparence physique, par exemple un cheveu. Est-ce que le cheveu en lui-même est quelque chose de plaisant, agréable, un objet auquel on pourrait s'attacher? Au fur et à mesure, il va devenir blanc aussi, grisonner et devenir blanc. Mais comme on n'aime pas cela, on préfère le teindre en noir. Certains préfèrent le teindre en noir. Le cheveu en lui-même ne constitue pas une chose à laquelle on puisse s'attacher ou quelque chose d'agréable et d'attrayant. Est-ce que les cheveux dégagent une odeur agréable ou désagréable, plaisante ou déplaisante? Si par exemple on ne se lavait pas les cheveux pendant une semaine, quelle serait l'odeur qui s'en dégagerait? Ça, c'est la peau. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, on ne peut pas distinguer ça vient du cheveu ou que ça vient des ongles, ça vient de l'intérieur en fait. Donc si on considère les odeurs également, eh bien les odeurs également ne peuvent pas constituer d'objet d'attachement en elles-mêmes. Et au niveau des contacts aussi, on peut considérer que les contacts aussi sont déplaisants. Donc où résident les cheveux? Donc les cheveux reposent sur la peau, Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a sous la peau? Donc en... De la graisse. Oui, en effet, il y a de la graisse, il y a du sang, il y a beaucoup de choses assez impures. Donc le cheveu repose sur ça, vient de là. Le sang, c'est impur? Le Vénérable explique qu'en effet, dans le corps, il n'y a rien de vraiment très agréable, très pur. Toute la journée, en effet, on doit s'occuper, on doit s'occuper de laver le visage, on doit s'occuper de laver tout ce qui sort du nez, tout ce qui sort de la bouche, tout ce qui sort du corps. Si on y réfléchit, qu'y a-t-il de bon dedans? Pourquoi devons-nous tant nous occuper de ce corps-là, de le laver, s'il était déjà bien en lui-même? Est-ce qu'il y aurait besoin de l'entretenir tant? S'il était déjà bien en lui-même, est-ce qu'il y aurait besoin de s'en occuper tant? Et aussi, si on considère les dents. Donc, où sont implantées les dents? Où résident-elles? Dans la bouche. Qu'y a-t-il dans la bouche? Eh bien, il y a de la salive, il y a plein d'impuretés aussi qui sortent de la bouche. Donc, les dents viennent de là. Donc, en effet, si vous trouvez que vos dents sont très belles, est-ce que vous allez les arracher et les conserver avec vous? Donc, ainsi, on peut contempler les différents aspects du corps en essayant de percevoir leur aspect impur et repoussant. On peut essayer de percevoir cet aspect impur et repoussant à trois niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de l'apparence. Par exemple, le cheveu, au niveau physique de l'apparence, le cheveu, le poil en lui-même. On peut ensuite contempler son odeur. Le troisième niveau, donc le premier, c'est l'aspect physique, le deuxième, c'est l'odeur, et le troisième, c'est l'endroit d'où il provient, ou là où est-ce qu'il est sa localisation. Quand ces 32 parties du corps sont à leur place appropriée, à leur place respective, quand on regarde l'ensemble du corps, on a une vue qui est erronée, une vue qui est déformée, et on perçoit ainsi leur aspect non repoussant, mais leur aspect agréable et charmant. Donc il y avait ainsi à l'époque du Bouddha, une jeune femme qui était devenue bhikkhuni, c'est-à-dire nonne. Elle avait pratiqué la méditation et était même parvenue à l'état de arahant, c'est-à-dire le plein éveil. Et il y avait un homme qui la trouvait très séduisante depuis qu'elle était laïque. Il la trouvait en effet très séduisante. Il était charmé par la beauté de ses cheveux, par ses yeux, par ses cils, par ses dents. Donc cet homme était venu la voir et ne cessait de l'admirer. À ce moment-là, la bhikkhuni lui a alors dit « Eh bien, si tu aimes tant mes yeux, tiens, les voici. » Donc elle prit ses yeux avec ses mains et elle lui donna. Donc est-ce que vous pensez que les yeux ainsi sortis de leur orbite, est-ce que vous pensez qu'ils avaient encore leur charme? En effet, ceux qui n'ont pas pratiqué le Dhamma ont encore une vue erronée des choses et ils trouvent les choses plaisantes, agréables. Ceux qui par contre ont pratiqué le Dhamma ont une vue juste des choses. Ils se rendent compte que ces choses-là ne sont pas si agréables que cela, pas si plaisantes que cela et ne sont ainsi pas l'objet d'attachement. Donc ainsi le Bouddha a expliqué que si par exemple on extirpait tous les organes, tout ce qu'il y a dans le corps et qu'on l'exposait dehors, eh bien là on comprendrait l'aspect impur, repoussant du corps. Cela n'attirait que les chiens et les corbeaux. Donc Sayadaw en vient, pourquoi est-ce qu'il vous parle de cela? Pourquoi il vous parle de cette méditation? En effet, tout le monde veut être beau et belle, tout le monde veut avoir une apparence attrayante, n'est-ce pas? En effet, tout le monde veut plutôt avoir une apparence physique agréable, même Sayadaw. Et c'est pour ça qu'il s'est même, comme il voulait avoir une apparence agréable, c'est pour ça qu'il s'est même, s'est même rasé les cheveux. Et Sayadaw, donc, vous suggère, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui aimeraient comme ça aussi avoir une apparence physique très agréable et se raser les cheveux également? Pourquoi est-ce que le Bouddha a enseigné cette méditation sur la contemplation du corps sous son aspect repoussant? Il l'a fait parce qu'il voulait que les gens donnent priorité à la beauté de l'esprit et non pas à la beauté du corps. Et que pour justement embellir l'esprit, il fallait voir la laideur ou l'aspect impur et repoussant du corps. Le Bouddha a enseigné la Asubha Bhavana, la contemplation de l'aspect repoussant du corps, afin que justement les personnes puissent pratiquer le Dhamma, la pratique Vipassana qui mène à la liberté. Et cette pratique de la contemplation d'Asubha Bhavana apporte de nombreux bénéfices. Le corps, en effet, au fur et à mesure devient de plus en plus laid. Le corps est assez impur et repoussant, mais par contre, l'esprit, lui, peut devenir merveilleusement beau. Donc, quels sont les bénéfices de pratiquer ainsi Asubha Bhavana, la contemplation sur l'aspect repoussant du corps? En percevant l'aspect impur et repoussant du corps, on est libre de raga, l'avidité, l'attachement au corps, au désir sensuel par rapport au corps. Donc ainsi, qu'est-ce que vous en pensez? Si on pratique donc la contemplation sur les aspects repoussants du corps, est-ce qu'il pourrait y avoir du désir, de l'attachement pour ce corps-là? Si on entrevoile son aspect repoussant? Donc si notre pratique est bonne, si notre concentration est bonne, eh bien en effet à ce moment-là, raga, le désir avide, va diminuer. Ce qu'il se passe, c'est que le yogi qui pratique Satipatthana peut rencontrer dans le cours de sa pratique des objets du sexe opposé. Par exemple, un méditant homme aura tendance à voir des objets du sexe féminin. Une femme yogi aura tendance à voir des objets du sexe masculin. Si le yogi qui rencontre ainsi ces objets du sexe opposé peut pratiquer Asubha Bhavana, il va pouvoir facilement surmonter ses difficultés. Par contre, s'il ne peut pas surmonter ses difficultés, il sera pris par ces objets du sexe opposé, il va se mettre à penser, et à ce moment-là, sa concentration va être perturbée. Donc le yogi peut rencontrer les objets du sexe opposé en vrai, donc rencontrer une personne du sexe opposé, ou même en imagination, il peut la rencontrer également. Il y avait à l'époque du Bouddha un couple qui était en train de se quereller. Après la querelle, la jeune femme est sortie de la maison pour rejoindre la maison de sa mère. Sur la route, elle est passée devant un monastère où il y avait un moine qui était en train de pratiquer la méditation en marche. À ce moment-là, elle s'est mise à rire. Le moine, lui, a continué sa pratique de la méditation. La jeune femme est passée devant le moine, mais le moine a continué sa pratique de la méditation. Il l'a perçue avec l'œil du Dhamma. La femme s'est ensuite à continuer son chemin. C'est le mari qui est ensuite venu auprès du moine. Il a demandé au moine, « Moine, avez-vous vu une femme passer devant vous ?» À ce moment-là, le moine a dit, « Je ne sais pas, est-ce que c'était une femme qui est passée ou un homme ? J'ai juste vu un squelette passer. » Donc la jeune femme qui s'était mise à rire devant lui, donc avait entrouvert sa bouche, et le moine avait donc vu ses dents. Quand il a vu ses dents, à ce moment-là, il a porté son attention sur ses dents et il a pratiqué sur les dents et voir justement que tout n'était que squelette et os. Donc à ce moment-là, donc quand il a vu les dents, il ne l'a juste vu comme un élément. Comme un os qu'il a observé et qu'il a contemplé. À ce moment-là, il n'y a eu ni attachement, ni il n'a pas vu l'aspect charmant des dents, il n'y a pas eu d'attachement. Et Sayado donne l'exemple, c'est comme quand on passe un peu à la douane, à l'aéroport, le poste de sécurité, et qu'on met nos affaires sur le tapis roulant, tout passe au scanner, donc tout est vu de façon très neutre. Donc au cas où ce moine-là n'aurait pas pratiqué donc la contemplation sur l'aspect repoussant du corps, peut-être qu'il aurait pu enfreindre sa moralité. Comme c'était un endroit assez isolé, peut-être qu'il aurait été tenté. Il y avait Il y avait un autre moine qui lui également avait pratiqué la méditation. Il avait pratiqué la méditation jusqu'à un certain niveau et il était assez satisfait de sa pratique. Il pensait qu'il avait déjà développé un haut niveau de Dhamma. À ce moment-là, son maître est venu et ils se sont mis à discuter du Dhamma. Ce moine-là avait en effet pratiqué le Dhamma et un état d'absorption, les jhanas seulement. Donc le maître s'est mis à côté de son disciple et lui a demandé, comme il avait atteint les jhanas, les états d'absorption, de créer par ses pouvoirs psychiques un lac, ce que fit le disciple. Il a ensuite demandé que le disciple crée avec ses pouvoirs psychiques des fleurs de lotus au milieu du lac, ce que fit le disciple. Il a ensuite demandé, parmi les fleurs de lotus, que le disciple fasse apparaître une danseuse de 16 ans, ce que fit le disciple. Le maître a ensuite demandé à son disciple de porter son attention sur les danseuses qui étaient en train de danser, ce que fit le disciple. Donc le disciple s'est ainsi mis à contempler ces belles danseuses qui se mouvaient. Et comme il commençait à contempler depuis assez longtemps, bien sûr, il s'est produit dans son esprit, il a commencé à apprécier ses danseuses, à les trouver charmantes, et le désir s'est développé en lui. C'est de cette façon que le maître a enseigné à son disciple la sermonie, en lui faisant comprendre qu'en effet, que son dhamma n'était pas si élevé que ça. Comment est-ce qu'il a sermonné son disciple alors? De quelle manière est-ce qu'il lui a enseigné? Donc il a demandé à son disciple de créer, de faire apparaître ce lac avec ses fleurs de lotus, avec cette danseuse. Et donc par quelle manière justement est-ce qu'il a transmis l'enseignement à son disciple? Quelle est la manière qu'il a utilisée pour faire passer l'enseignement à son disciple? Ce qu'il veut dire, c'est que le disciple, en voyant donc le désir se développer en lui, a compris par lui-même qu'il n'avait pas encore développé un très haut dhamma. Le maître n'avait pas besoin de lui dire, le disciple a pris conscience par lui-même. Donc c'était une façon de faire passer l'examen à son élève. Donc en Birmanie, donc, il y a le lac Inle, et il y avait un Sayadaw qui était en train de méditer près de ce lac-là dans un monastère. Il méditait donc sur Asubha Bhavana avec le corps d'une jeune fille de 16 ans qui venait de décéder. Oui, donc c'est en Birmanie, près du lac Inle, où il y a un moine qui est très célèbre. Et sous le corps donc de cette jeune fille, il y avait également une inscription avec donc son âge. La vie n'est pas faite que de réjouissances et la vie en elle-même n'est pas si pleine de bonnes fées. Pourquoi est-ce que les gens... Et si vous regardez votre vie même, est-ce que les moments de bonheur, est-ce qu'il y a plus de moments de bonheur ou plus de moments de peine? Est-ce qu'il y a plus de souffrance ou plus de bonheur? Le Vénérable explique que ce qui est important, c'est d'utiliser cette vie-là où on a ce corps-là pour justement développer autant de positivité, d'action méritoire que possible. Donc si on passe toute sa vie à ne faire que profiter des bonnes choses, à manger à volonté, à dormir à volonté, à faire tout ce qui nous plaît à volonté, est-ce que ça serait tout? Est-ce qu'on ferait juste ça? S'il n'y avait que cela, en effet, Seigneur se demande pourquoi est-ce qu'il aurait pris la robe. Et aussi, s'il n'y avait que cela, ce ne serait pas la peine de venir ici pour avoir juste un mal de dos. Donc le Vénérable explique que c'est en fait, il ne s'agit pas d'être déprimé, il ne s'agit pas non plus d'être attaché aux choses ou déprimé par les choses. Il s'agit tout simplement d'utiliser ce corps tel qu'il est, un peu comme un investissement, et d'essayer d'exploiter ce corps tel qu'il est pour essayer d'en retirer le meilleur possible. Et le meilleur possible, Sayadaw entend par là autant d'actions positives, bénéfiques, méritoires que possible. Donc la personne qui peut vraiment extraire le meilleur de ce corps-là est vraiment appelée un être humain. Donc en effet, si on passe toute sa vie justement à faire des actions qui ne sont pas bénéfiques, qui sont négatives, à quoi cela servirait? Il n'y a aucun bénéfice ni pour soi ni pour les autres. Donc, il ne s'agit pas d'être déprimé par les choses. Par exemple, en ce qui concerne la nourriture, il nous faut manger. On mange pour avoir une bonne santé. Et on mange aussi des aliments qui nous conviennent. Par contre, si l'on mange par désir, par attachement, et qu'on mange en excès, là, dans ces cas-là, notre santé risque d'en périr. Sayadaw dit qu'on n'en finirait pas de répondre aux questions. Si vous pouvez pratiquer jusqu'à un certain niveau, vous pourrez répondre à vos propres questions. Et même si d'autres personnes viennent vous poseraient cette question-là, vous serez à même vous-même de répondre à cette question. Donc Sayadaw reprend. Il y avait donc sous le squelette, sous le corps de cette jeune fille, donc l'inscription qui précisait que c'était une jeune fille de 16 ans. À ce moment-là, il y a un homme qui est passé devant ce corps-là, où il n'y avait en fin de compte plus que les os, donc c'était plus qu'un squelette. Et comme cet homme, en fait, avait une vue un peu erronée, il s'est mis à contempler ce squelette, et comme il a vu l'inscription que c'était le squelette d'une jeune femme de 16 ans, il a commencé en imagination à rajouter ce qui manquait. Il a commencé à rajouter la peau, rajouter les membres, etc. Et au fur et à mesure à reconstituer le corps d'une jeune femme de 16 ans, d'une jeune fille de 16 ans. Et à ce moment-là, le désir sensuel s'est élevé en lui. Donc ainsi, il a donc contemplé ce squelette-là, mais comme il avait une pensée erronée, eh bien, au lieu de voir, il a ainsi donc développé en lui le désir sensuel. Par exemple, si on considère la personne qui a partagé notre vie depuis tant d'années, notre mari ou notre femme, si on la regarde ou si on le regarde, on ne voit même pas que cette personne a vieilli. On est tellement habitué, tellement accoutumé, bien qu'on voit la personne tous les jours, on n'a pas l'impression qu'elle est vieillie. On ne voit pas les rides sur elle. Donc c'est pour cela que nous pratiquons donc Asubha Bhavana, la contemplation sur l'aspect repoussant du corps. Donc comment procéder en percevant donc chaque aspect du corps, les cheveux, les poils, les ongles, les dents, la peau, et en essayant de voir leur aspect donc repoussant et impur. Sayadaw ne vous dit pas qu'il ne faut pas s'occuper de ce corps-là et entretenir ce corps-là. Bien sûr, il faut continuer à brosser les cheveux, couper les ongles. Il faut bien sûr continuer à prendre soin de ce corps-là. En effet, donc il y a, par exemple en Birmanie, les moines qui pratiquent tout seuls dans la forêt, eh bien, ont souvent tendance à rencontrer ces difficultés dans leur pratique, c'est-à-dire à voir des objets du sexe opposé. Et c'est pour ça que Sayadaw souhaite que vous puissiez pratiquer Asubha Bhavana, la contemplation sur l'aspect repoussant du corps, et ainsi surmonter les difficultés éventuelles que vous pourrez rencontrer dans votre pratique. En effet, au contact de ces objets du sexe opposé, nous n'arrivons pas à surmonter ces difficultés, notre pratique ne peut plus évoluer, notre concentration est perturbée. Donc le Vénérable souhaite que tous les yogis puissent ainsi observer tous les objets tels qu'ils apparaissent, qu'ils puissent noter sans perte d'attention, qu'ils puissent développer la contemplation sur l'aspect repoussant du corps, Asubha Bhavana, et qu'ils puissent ainsi surmonter les difficultés qui pourraient apparaître dans leur pratique avec l'attention. Qu'ainsi leur concentration puisse se développer, que leur entraînement à la concentration, Samadhi Sika, puisse être accompli, et qu'ainsi qu'ils puissent atteindre Nibbana, accomplissant ainsi l'entraînement à la connaissance, Panya Sika. အမတ်တည်နဲ့ကျော်နိုင်ပါစေကျော်ခြင်းကျော်နိုင်ခြင်းဖြင့်တမာတိဒိဋ္ဌာရီဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ထူထောင်နိုင်ပါစေထူထောင်ပြီးဆင်းရဲညင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပညာဒိဋ္ဌာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေစာဓုစာဓုစာ